prose, mais un vrai coup de gueule. Comme un doigt sur une gâchette, mes textes en coup de gueule. À l'heure où la crise est mondiale, la sodomie globale, où les moutons suivent encore leur démocratie bancale. Aïe aïe aïe, tout le monde veut voir du Soral. Moi j'oublie pas qu'il a ses armes au front national. Je suis un anti-sioniste, pas un antisémite. Et j'ai pas besoin de suivre une mode quand je milite. France maçonnique, France mensongère, Française week-end, américaine c'est clair. T'as le droit de vote mais t'as aussi la loi l'opsy. Quand tu dis non, la démocratie va dire oui, c'est paye tes impôts et ferme ta gueule. On est bien dans ce pays, c'est pas une dictature. Donc ferme les yeux et subis tout ça m'étouffe. Et ça me rend ouf, encore l'état qui fume, le petit peuple qui tousse. Capte, je suis l'ennemi de la République. Capte, je suis l'ennemi de France-Afrique. Capte, j'emmerde la France symbolique et j'emmerde les valeurs maçonniques. Capte, je suis l'ennemi de la République. Capte, je suis l'ennemi de France-Afrique. Cap, j'emmerde la France symbolique et j'emmerde les valeurs maçonniques. La France assez riche et de bonnes cartes au FMI. T'inquiète, elle pense à nous, on a un nouveau RMI. Des super flics qui viennent garder ma paix. Et j'ai l'impression d'être en liberté surveillée. Je crois pas en leur politique, je ne fais pas de déni. Tout ça n'est qu'un jeu et on n'est pas dans leur parti. La République française est comme un livre, belle couverture. À toi de lire entre les lignes. Tu vas aux urnes et tu crois que tu décides. Pourtant ta condition sociale, elle décline. T'es victime de vol et d'abus de confiance. C'est ton gouvernement le plus gros délinquant de France. Il a la main mise sur tous les marchés. C'est pas nouveau que Marianne se couche pour te baiser. J'ai le droit de parole donc j'assume. Moi aussi la Marseillaise, je la siffle et je la fume. Capte, je suis l'ennemi de la République. Capte, je suis l'ennemi de France-Afrique. Capte, j'emmerde la France symbolique et j'emmerde les valeurs maçonniques. Capte, je suis l'ennemi de la République. Capte, je suis l'ennemi de France-Afrique. Capte, j'emmerde la France symbolique et j'emmerde les valeurs maçonniques. J'ai la rage parce que j'en ai marre de me faire berner, de voir mes gosses partir vers un avenir cramé. J'aimerais leur dire qu'on a tous essayé, qu'on a tous protesté au lieu de rester prostrés. Mais non, beaucoup restent léthargiques. C'est pas leur combat et c'est saoulant la politique. Pas besoin de faire Sciences Po pour alimenter le débat. Ça reste ton inaction qui fait que tu restes en bas. Mais quel est le naïf qui croit qu'il pense à nous? Il nous manipule, aimerait nous voir tous à genoux. Quand je dis il, c'est l'entité, l'État. Le dirigeant, c'est celui que tu verras pas. Appelle-moi parano quand je te parle de CAC 40. Quand je te dis qu'une démocratie n'est qu'une histoire de banque. Continue à croire au pays de la liberté. Moi je t'assure, y a longtemps j'en suis évadé. Capte, je suis l'ennemi de la République. Capte, je suis l'ennemi de France-Afrique. Capte, j'emmerde la France symbolique et j'emmerde les valeurs maçonniques. Capte, je suis l'ennemi de la République. Capte, je suis l'ennemi de France-Afrique. Capte, j'emmerde la France symbolique et j'emmerde les valeurs maçonniques.